Le carnet de philo, votre carnet de philo, Géraldine Mosna-Savoie, vous revenez aujourd'hui sur une expression trop utilisée. Enfin, ça, c'est vous qui le dites. C'est vrai que je ne l'ai jamais entendu dans votre bouche, mais je suis sûre que vous avez bien dû l'employer de temps en temps, peut-être malgré vous. Tout le monde, d'ailleurs, dans ce studio a bien dû le dire au moins une fois dans sa vie. Alors, je vous rassure, personne ne sera condamné pour ça. Vous serez jugé, certainement, mais pas condamné pour avoir dit « de base » ou « variante à la base » ou « variante encore »,« la base »,« basique » et j'ai même entendu « basiquement ». C'est faux comme depuis quelque temps, tout ce qui relève de la base, soit par définition, si j'en suis le dictionnaire, tout ce qui relève de la partie inférieure d'un corps quelconque qui lui sert de soutien, a le vent en poupe. Pour se présenter ou présenter une situation, on préfère ainsi insister sur ce qu'il en est de base, sur ce qui relève d'un appui, d'un point de départ, d'une origine. À la base, je suis plutôt indulgent. De base, j'adore les sardines. Ou plus grandiloquent, de base, les choses ne marchent pas comme ça. C'est bien simple, avec la base, il s'agit de nommer et de rappeler l'évidence oubliée, enfouie sous des couches de malentendus et d'a priori. Mais si la base est bien la base, pourquoi serait-elle oubliée ou mal comprise ? Mais comme vous l'avez dit, Géraldine, si on parle de base, c'est bien que cette base n'est pas si évidente que ça. Voilà, c'est tout le paradoxe de ces tournures à base de base. Elles semblent exprimer comme des évidences des choses qui n'en sont pourtant pas. Comme quand on dit, je reprends mon exemple, de base, j'adore les sardines. Pour moi, c'est évident que j'adore les sardines, c'est un goût qui m'est familier, fondamental, un basique. Mais pour mon interlocuteur, pas forcément. Il faut donc que j'insiste sur ce goût capital pour moi, en ajoutant la mention de base. Mais prenons un autre exemple. De base, ça ne marche pas comme ça. Eh bien, dans ce cas-là, il s'agit moins de nommer une évidence qui n'est pas connue que de rappeler un constat un peu mou, qui n'est que trop bien su, qui ne dit précisément rien de précis et qui peut être tout le temps vrai. Quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, dire de base ou à la base ou encore c'est la base, c'est pointer ce qui devrait être admis par tout le monde mais ne l'est pourtant pas. Mais pourquoi donc vouloir élever au rang d'évidence ce qui ne l'est pas vraiment, pas encore ou déjà trop ? Ce que vous êtes en train de nous dire, Géraldine, c'est que dire de base a presque quelque chose d'ambitieux. Exactement. Il y a un effet d'annonce, un effet j'enfonce le clou quand on commence sa phrase par de base. On va énoncer une chose qui, par sa qualification même de basique, sera désormais sans appel, indémontrable, inquestionnable. On va mettre en avant un rappel à l'ordre de ce qui était à l'origine et devrait prévaloir. La base ressemble ainsi au substrat en philosophie, ce socle nécessaire et inchangeable des êtres et qui résiste à tous les accidents d'une existence. Ou ressemble à ce que disait Vladimir Jankélévitch du verbe être. Être est le verbe substantiel de tous les verbes et celui que tous présupposent, respirer, dormir, attendre, même durer ou devenir, sont encore des manières d'être complexes auprès de l'être nu, qui est le substrat de toutes ces manières. Et c'est d'ailleurs bien le problème des deux bases. Tels des substrats, ils insistent sur ce qui n'est qu'un être nu, sans complexité, sans accident, lisse et ferme. Ils font primer une origine sur un devenir, une essence sur une existence. Mais à quoi ça sert d'être de base quand on peut être beaucoup plus que ça ? Quel est l'intérêt de préciser ce qu'on est d'abord, à l'origine et pas après, ce qu'on est devenu ? Ne dites donc plus de base, préférez la formule après tout.